Depuis qu'on est copain, copain, comme les deux doigts de la main, nous nous moquons du lendemain. Ah, que la vie est belle, et je crois que nous irions bien, toujours joyeux, toujours en train, en chantant ce petit refrain, jusqu'à la tour de Nero. Ce qui m'appartient est aussi bien à toi, mais tu sais très bien que je n'ai rien à moi. Et nous restons copains, copains, comme les deux doigts de la main, comme les deux petits païens, comme deux sœurs jumelles. Car nous sommes deux copains, copains, comme le mois de juin avec les hirondelles, comme le dagada et le tsoin-tsoin, comme le rapin avec son petit modèle. Toi et moi, on en vaut trois, car j'en vaux de rien qu'à moi. Car nous sommes de copains, copains, comme mon refrain avec ta ritournelle. Depuis qu'on est copain, copain, comme les deux doigts de la main, nous nous moquons du lendemain. Ah, que la vie est belle, et je crois que nous irions bien, toujours joyeux, toujours en train, en chantant ce petit refrain, jusqu'à la tour de Nero. Ce qui m'appartient est aussi bien à toi. Tu sais très bien que je n'ai rien à moi. Et nous restons copains, copains, comme les deux doigts de la main, comme les deux petits païens, comme deux sœurs jumelles. Copains, copains, copains, copains, copains, copains, copains, copains, copains, copains, copains.